19h précise dans le studio de la radio associative indépendante. Vous en êtes habitué, c'est l'heure du journal parlé en langue française de la grande édition de la soirée et de ce 27 juillet 2021. Le journal avec Willy Sintayehoura. La mise en onde est assurée par Didier Ilambona. D'abord, les grandes articulations. Les propriétaires des maisons construites anarchiquement au bord de la route nationale numéro 3 n'ont pas respecté les dates données pour les démolitions. Et au sommaire également, des propriétaires des maisons démolies par le chef de quartier Mutanga Sud, comme quoi ils observaient une lenteur dans la mise en exécution. Nous avons prévu aussi l'actualité sportive, mais aussi l'actualité internationale. Bienvenue. Bonsoir, débutons par cette brève. La direction générale de l'Office national de télécommunications, ONATEL, a été convoquée par l'inspection générale du travail et de la sécurité sociale, comme nous le trouvons dans une convocation adressée à la direction générale de l'ONATEL. L'objectif est lié aux plaintes déposées par le personnel de cette entreprise de télécommunications. Le directeur général de l'ONATEL se présentera à l'inspection du travail ce mardi le 3 août à 9h au bureau numéro 218. Le personnel de l'ONATEL avait organisé mercredi 21 juillet un sit-in d'environ une trentaine de minutes dans le but de réclamer leurs arriérés de 4 mois, alors que la direction reconnaît seulement 3 mois. Et la mesure de démolition des constructions anarchiques à 6 mètres de la route nationale n'est pas encore respectée par tous les concernés sur la route nationale numéro 3 en commune Moura de la mairie de Bujumbura, bien qu'il se remarque encore de telles constructions de Kanyosha jusqu'au pont Moura. L'administration de la commune Moura avait donné la date limite du 26 juillet 2021 pour avoir démoli ces constructions concernées par cette mesure. Raymond Dimana nous fait le point. Ces constructions avec des signes qu'elles sont hors normes sur la route nationale 3 sont les murs de clôture, des maisons et des pancartes. Sur cette route de la 7e avenue de la zone Kanyosha jusqu'à la rivière Moura, nous sommes dans la commune Moura, mairie de Bujumbura. Comme nous l'avons constaté, cette mesure a été respectée timidement. Certains parmi les concernés disent qu'il n'est pas facile de démolir ce qu'ils ont construit en tenant compte de leurs dépenses et choisissent d'observer la démolition de leurs constructions par d'autres personnes. D'autres nous ont signalé qu'ils sont des locataires et qu'ils doivent attendre les mesures prises par les propriétaires des maisons, car ils n'ont pas le droit de mettre en vigueur cette mesure. Ceux qui étaient en train de démolir, ils ont précisé hors micro qu'ils ont fait ce choix pour récupérer certains matériaux qu'ils ont utilisés en construisant leur maison. D'autres déplorent que l'administration n'a pas respecté les mesures exigées et qu'ils attendent le rapport des ingénieurs du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Les ingénieurs qui s'observaient dans cette localité en train de travailler en vérifiant si l'administration a bien mesuré la distance à démolir, même s'ils nous ont signalé qu'ils devraient déposer les rapports ce mardi. Les choses sont ainsi alors que l'administration de la commune et moi avait donné ce 26 juillet comme date limite aux propriétaires concernés par cette mesure. Contacté pour connaître la suite, l'administrateur de la commune Moura dit qu'il attend l'ordre des autorités hiérarchiques afin que le respect de cette mesure soit mis en vigueur totalement avec la fin de ce mois de juillet. Merci Raymond Dimana. De l'autre côté, dans la commune urbaine de Mukaza, les propriétaires des maisons démolies dans le secteur de Mugoboka non viabilisé, c'est au quartier Mutanga Sud, toujours en mairie de Bujumbura, ne se réjouissent pas de l'état d'avancement des travaux de reconstruction, même si ceux qui reconstruisent ces maisons affirment que le travaux vont bon trait. Les propriétaires se lamentent que ces reconstructions sont faites contrairement à leurs avis. Vena Niumungere s'y est rendu. Nous sommes dans le secteur Mugoboka, quartier Mutanga, sud Amérique de Bujumbura, là où on est en train de reconstruire des maisons démolies suite à la mesure du chef de quartier et qu'après la descente, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire, de la Sécurité publique a redonné à ce chef de quartier de faire reconstruire ces maisons car ces derniers ont été démolis illégalement. Dans la matinée de ce mardi, nous avons trouvé des maçons sur place en train de reconstruire ces maisons. Toutes les maisons démolies sont en cours de reconstruction et la plupart de ces derniers sont au niveau de toiture, même si certaines d'entre elles ne portent ni de fenêtres ni de portes. Les propriétaires de ces maisons se lamentent de la façon dont ces maisons sont en train d'être reconstruites. Ils ont mal implanté la porte car ils étaient suspendus dans l'air, ce qui pourra permettre aux voleurs d'accéder facilement à l'intérieur de la maison. J'avais construit ces maisons avec du ciment, mais pour l'instant, je trouve que la quantité de ciment est insuffisante. Ils prennent leur pied dans ces travaux. Au commencement, ils travaillaient à une grande allure. Les maçons étaient nombreux, mais pour le moment, ils ont allégé car on a réduit sensiblement la quantité des maçons. Quant à ceux qui ont construit ces maisons, ils affirment que les activités vont bon train, même si le délai n'a pas été respecté suite aux différents travaux. On est en train de faire des contrôles. On nous a donné 2 semaines pour exécuter ces travaux. Construire est très difficile que démolir. Nous supplions au ministre de nous accorder 1 semaine pour les travaux de finissage. Près de 15 maisons sont en cours de reconstruction, même si la période de 2 semaines recommandée par le ministre de l'Intérieur pour la reconstruction a été expirée ce lundi 26 juillet. Merci Venant Nyongongere et la suppression de l'exploitation des minerais dans certains coins du pays n'a pas causé d'effet significatif sur le budget de l'État car le rendement était négligeable. Domitien Ndiokoubraï, ministre des Finances et du Budget Général de l'État et de la Planification Économique, l'a dit ce lundi lors de la présentation des réalisations de ce ministère, l'an budgétaire 2020-2021 qui vient de s'achever avec le mois de juin dernier. Ndiokoubraï fait également savoir que les révisions de contrats sont en train d'être faites pour que cette exploitation soit rentable pour le pays. Domitien Ndiokoubraï traduit en français par Gilbert Louyangé. Concernant le secteur minier où il y a des sociétés qui ont été suspendues en suspendant leurs contrats d'exploitation, ces sociétés n'apportaient pas de fonds significatifs dans le budget général de l'État. Le rendement de production était très bas. C'est cela qui a causé cette suspension pour bien voir s'il n'y a pas d'irrégularité dans leurs contrats et surtout voir quel est l'apport pour le budget général. Demain ou après-demain, ayant bien analysé les manquements au contrat et ayant bien révisé ce contrat, cette exploitation minière pourra reprendre mais se référera à ce que bénéficie le pays. Il y aura sans doute un grand apport et les pertes qui surviendraient dans les mois de nos exploitations seront récompensées par cette nouvelle exploitation. La commission Vérité et Réconciliation, sévère en sigle, a lancé officiellement les activités d'exhumation des victimes des crises respectives qu'a connu le Burundi ce mardi 27 juillet en mairie de Bujumbura. Cette commission va faire les enquêtes concernant les victimes de 1972. Dans ces activités qui se sont déroulées dans la zone Ngagara de la commune Nhangwa en mairie de Bujumbura, Pierre Claver Ndayichaliye, président de la CVR, appelle les habitants de la mairie de Bujumbura à fournir toutes les informations relatives à cette commission. Le point avec Aimé Richard Nyonguru. La commission Vérité et Réconciliation a lancé officiellement les activités d'exhumation des victimes de crises répétitives qu'a connu le Burundi ce mardi 27 juillet 2021. Ces activités iront jusqu'au 14 août de cette année. Pierre Claver Ndayichaliye, patron de la commission Vérité et Réconciliation, qui a lancé ces activités après le tour des provinces de Muyinga et Kirundo au nord du pays, appelle les habitants de la ville de Bujumbura à fournir toutes les informations à cette commission. Ndayichaliye a tenu à préciser que sa commission va se pencher à la crise de 1972, puis de 1988 et enfin de 1994. La tâche de la commission Vérité et Réconciliation du Burundi est immense. Elle n'est pas impossible, elle est vaste, mais c'est une mission, je dirais, de salut communautaire. La vérité longtemps cachée aux Burundais et aux Burundaises Celle qui est vieille de 49 ans, c'est celle-là sur laquelle nous sommes en train de travailler. Les violations massives des droits de l'homme en 1972. Nous aurons aussi à travailler sur d'autres crises, d'autres violations. 93, l'assassinat du président Melchior Ndadaye. 1988. Ce qu'on a appelé communément la crise de Nega et Marangara. La loi régissant la Commission Vérité et Réconciliation travaillera sur les crises qu'a connues le Burundi jusqu'en 2008, a précisé Pierre Claver Ndayitariye, président de la CVR. Et là, c'était pour répondre à la question des journalistes sur les récentes crises de 2015, surtout à mairie de Bujumbura. Concernant la question de savoir les fosses communes déjà recensées à mairie de Bujumbura, Pierre Claver Ndayitariye, président de la Commission Vérité et Réconciliation, affirme avoir déjà des informations comme quoi la zone Buterere à mairie de Bujumbura serait l'une des zones qui présentent des fosses communes et que cette commission va entrer en concertation avec les détenteurs des informations pour faire face à cette situation. En mairie de Bujumbura, nous avons des fosses communes renseignées, même dans ce périmètre dit de Buterere, nous avons des fosses communes renseignées. Lorsque nous travaillons, nous quittons le concept de fosses communes renseignées, nous évoluons vers les fosses communes vérifiées et confirmées. Sur la question de savoir le sort qui sera réservé aux gros bâtiments construits sur d'éventuelles fosses communes, Pierre Claver Ndayitariye, numéro 1 de la commission Vérité et Réconciliation, indique que sa commission n'a pas le poids qu'il faut pour démolir et doter les maisons, mais qu'elle va mener des consultations avec les instances hiérarchiques pour trouver solution à cette question. Merci, Aimé Richard. Vous écoutez la radio associative indépendante sur 87.7 FM depuis Inanzegwe, 102.4 FM depuis Manga et 96.8 depuis la capitale économique Bujumbura. Actualité sportive. À présent, l'équipe burundaise Inambamurugamba des moins de 23 vient de se qualifier pour la finale de la CECAFA des moins de 23, bien sûr, qui se déroule en Éthiopie. C'est après avoir remporté la victoire face à l'équipe kényane lors des demi-finales au tir au but sur 4 pénalties à 2, après avoir égalisé au temps réglementaire et à la prolongation, l'équipe burundaise fera face à l'équipe tanzanienne en finale de cette coupe de CECAFA des moins de 23 ans après une courte pause hors de chez nous. Actualité internationale. À l'actualité internationale, le projet de loi portant fixation de dots à l'est de la République démocratique et du Congo fait parler de beaucoup de personnes dans cette partie de la République démocratique et du Congo. Ce projet précise que la dot d'une fille de la ville s'évalue à 500 $, tandis que celle des villageoises s'évalue à 200 $ uniquement depuis Uvira Djambekima Silwa Chapo Plus. Aussitôt portée à la connaissance du grand public, cette proposition de loi a suscité un débat sans fin. Cette première catégorie, des gens s'insurgent contre cette initiative. Pour cette femme, si elle passe, la femme congolaise devient une marchandise. Pour nous les femmes, c'est nous dévaloriser jusqu'à un niveau là très très très bas. Une femme, ce n'est pas une marchandise, donc on doit hausser les prix quand on veut et rabaisser les prix quand on veut. Vraiment, ce n'est pas bien. Pour nous, qu'elle soit du village ou de la ville, c'est toujours la femme, mais nous nous différencions seulement au point de vue intellectuel. C'est la vie aussi de cet homme enseignant de son état. Ces lois-là, elles doivent provenir d'un qui est soit un paresse, il n'avait pas fait ces jours-là. Il a seulement songé faire la loi pour plaire aux autres. En ville, comme en campagne, ce sont des filles. En campagne, on peut trouver une fille qui a étudié beaucoup plus qu'en ville. Pourquoi prendre cette fille en 200 $? Ce jeune célibataire, par contre, soutient cette proposition de loi. Il dit qu'il est en train de prier pour qu'elle soit votée au niveau de l'Assemblée nationale. Pas en question est vraiment appréciable. De ma part, moi, je suis célibataire et je suis célibataire parce que j'ai pas de fonds. Sinon, j'allais déjà m'engager. On peut vouloir à ce que la loi puisse être votée parce que ça sera une occasion pour nous de s'engager. Notez, le député national Daniel Mbaou, élu du Mont Amba, ville de Kinshasa, a déposé mercredi 20 juillet 2021 la proposition de loi sur le mariage. Cette proposition de loi fixe le prix de la dot de la jeune fille vivant en ville à 500 $ américains et celle du milieu rural à 200 $américains. Jean-Bertrand Seroulacha, ouvre pour RCF Bonne FM. Merci, Djambé Akima. C'est le Luacha, 19h15. Nous voilà à destination de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe de la rédaction de la radio associative indépendante Bonécha FM. Merci à Didier Ilan Bona qui était de l'autre côté vitré. Le journal vous a été présenté par Willy Sindayeboula. Bonne suite de programme et surtout une bonne soirée.